On va parler de l'impact de Montréal et c'était une grosse journée de soccer hier. On en parle avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer 5-5. Salut Benoît. Salut dans la Radio Sport. Benoît, c'était la grosse. Il y avait une très très grosse journée de soccer hier. Écoute, ça, mémoire, là, trois finales de trois circuits ou de trois grands tournois, j'avais rarement vu ça. Là. Puis il y avait des matchs de la Coupe d'Afrique aussi. Donc, Coupe d'Afrique moi aussi, ça fait longtemps pourtant que je suis le foot, là, mais j'ai rarement vu ça, mais je trouve ça intéressant. Mais en même temps, j'ai vu la capitaine américaine Raffineau qui a fait une sortie spéciale là-dessus à la FIFA dire que. Puis moi, je l'avais dit moi sur Facebook, dans des réseaux sociaux, que je trouvais ça dommage que le soccer masculin donne pas la place au soccer féminin vu que c'est la Coupe du Monde. L'année passée, on se rappelle que c'est la Coupe du Monde en Russie où je suis allé. Puis, écoute, il me semble que cette année, il aurait dû se concentrer et demander aux organisations l'organisation de la Common Ball qui s'occupe de la Coupe América, les gens du CONCACAF, les gens peut-être de la Coupe d'Afrique des Nations, de justement attendre à la fin, plus tard un peu dans l'année ou l'année prochaine, je sais pas, il aurait pu se mettre à la même page que l'Euro, là, tu sais. Mais tout, on a... Mais Danny, j'ai même appris qu'il y a encore une Copa América l'an prochain. Ah oui? Un peu. Mais oui, encore une Copa. Je sais pas, ils veulent se mettre à la page dans les horaires. Là. OK. Ils veulent se mettre à la page dans les horaires. Mais ça fait ça manque un peu de sérieux, non? Parce que l'an dernier, c'était... Je comprends pas, mais ça se fait que ça se fait comme ça. L'année passée, c'était consacré à la Coupe du Monde masculine. C'était ça l'événement. Il n'y a personne qui est venu jouer. Mais en tout cas, si tu veux, on peut en parler longtemps. Mais c'est décevant, mais oui, force est d'admettre que, regarde, les coupes sont là. Hier, une super journée. Moi, j'ai écouté les trois matchs. Fait qu'on peut en parler. Mais c'est bon pour le soccer, pareil, non? Ben oui. Du beau soccer, là. C'est sûr, c'est du beau soccer. Ça fait beaucoup de soccer, là. Ça mêle les gens. Les gens viennent qui ne savent plus c'est quoi. Ça devient mêlant. C'est sûr que ça devient mêlant. Faut juste démêler, là. Les coupes de gars qu'on a eues cette année, là, c'est la Gold Cup. América et Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont des coupes continentales. Il faut que tu dises, c'est comme la Coupe de l'Euro. L'année prochaine, ça va être l'Euro en Europe, OK? Ouais. C'est de ce niveau-là. L'Euro, c'est plus gros parce qu'il y a plus de pays. Puis en Amérique du Sud, t'as l'Argentine, t'as le Brésil. Hier, la finale de la Gold Cup, hier, à USA, à Mexique, c'est relevé. Là. C'est deux bonnes nations, quand même. C'est pas dans les tops au niveau mondial, mais c'est quand même deux bonnes nations. Fait que là, puis par rapport à... Ben, c'est sûr, puis il y a eu la Coupe des filles à travers ça. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment la Coupe du monde qui a eu lieu hier. Là. Donc, on va commencer avec la Coupe des filles, les États-Unis, qui ont remporté leur quatrième titre à la Coupe du monde. C'était 2015, 2019, 1919, puis il n'y avait pas c'est leur quatrième, en tout cas, victoire à la Coupe du Monde. Ils auront quatre étoiles sur leur maillot lors des prochains tournées de participation de matchs qu'elles vont faire. Ils étaient les favorites. Hein. Le développement du soccer féminin aux États-Unis, c'est la mecque au niveau mondial. Et ils l'ont démontré par leur jeu technique, par leur force. Ils étaient vraiment trop forts. Puis à chaque début de match, ils étaient très offensifs. Ils attaquaient. Hier, les filles des Pays-Bas les ont tenues, mais à un moment donné, les Américaines ont marqué et ont pris les devants. Puis comme je te dis, Raffineau, qui était la joueuse du tournoi, là, qui, selon moi, devrait être la ballon d'or cette année au niveau des filles. Ça devrait être très intéressant. Mais il faut quand même saluer les Pays-Bas. Hein. Elles, c'était des championnes d'Europe quand même. C'est une belle finale. Ouais. Et puis je te dirais que les Pays-Bas, ça aurait été intéressant de voir une victoire des Pays-Bas, mais il fallait vraiment que les filles soient très, très, très, très concentrées dans leur jeu. Et il y a eu un penalty, il y a eu un but par la suite, donc, ou l'inverse en tout cas. Donc, grosse victoire américaine. Il faut rappeler la performance des Canadiennes, leur défaite contre les Suédoises en 8e de finale. Ouais. Grosse déception. On n'a pas envoyé Christine Sinclair, l'ancien, on se rappelle, les Suédoises, ben Danny, ont battu les Anglaises dans en demi-finale. Oui, dans la petite donc, finale. C'est quand même très bon. Donc, ouais. Les Suédoises en troisième position. Donc, ça nous démontre que le Canada est de ce calibre-là. Je mettrais peut-être les Américaines une coche plus haut. Le Canada, ben, c'est sûr qu'il va avoir un nouveau cycle. Là. Christine Sinclair s'est appelée peut-être à partir à un moment donné. Ouais. À voir aussi. Donc, c'est un peu le portrait. Là, mais est-ce que tu es déçu de la performance canadienne? Ben oui, Ouais, mais c'était même très décevant, parce qu'on les avait moi-même, dit dans les 5 premiers. dans le premier match, je trouvais que leur jeu était pas à point. Ouais. Les gestes techniques, les contrôles, les amortis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques là, au niveau des filles canadiennes. Et tu vois, tu vois un peu, peut-être qu'on aurait peut-être dû faire rouler notre banc un peu. On avait une Québécoise qui était sur le banc, elle n'a pas joué. Je n'ai pas vérifié si elle a joué quelques minutes, là. C'est une attaquante, OK? Mais c'est qu'est-ce que tu veux? C'est Sinclair qui a encore la place. On aurait pu faire reposer Sinclair un peu, mais j'ai l'impression que c'est quand même elle la grande leader de cette équipe-là. C'est peut-être plus autant performance qu'auparavant, mais ce qui était surprenant quand même, c'est qu'elle ne soit pas allée tirer le fameux tir Ben de oui, pénalité c'est à peu à près l'équivalent 1-0. de. C'est comme l'équivalent de pas oui Wayne Gretzky à. C'est à peu près pareil, Ben, on pourrait faire un parallèle, oui. là. Ouais, effectivement. Copa América maintenant, c'est le Brésil qui a remporté contre le Pérou. Copa América, tout d'abord la surprise d'avoir arrivé le Pérou en finale, parce que le Brésil et le Pérou, Dany, s'étaient rencontrés dans les phases préliminaires. Le Brésil avait remporté 5-0. Alors on se demandait comment est-ce que le Pérou allait tenir contre le Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il faut rappeler les demi-finales, Dany. La demi-finale, Brésil-Argentine, qui a été un des grands matchs de cette coupe-là, une victoire de 2-0 pour le Brésil. Des erreurs d'arbitrage, j'ai trouvé, moi j'écoutais le match, et puis à 1-0 pour le Brésil, il y a eu une faute dans la surface de réparation. Les Argentins auraient dû avoir un penalty. On n'est même pas revenu à la reprise vidéo. Il y a encore des ajustements à faire avec le fameux VAR, Dani, là. Et sur ce jeu-là, il y a eu une contre-attaque des Brésiliens. Et ils ont marqué le deuxième but. Ça a fini 2-0. Mais je vais te dire que c'était vraiment décevant de voir ça. Messi, c'est rare. Messi, on le voit se plaindre beaucoup, Dani, sur le terrain avec les officiels. Mais quand tu vois Dani dans la zone mixte après le match, venir faire une critique envers l'arbitrage, c'est très, très rare. Et le match d'après, Messi ont joué pour la troisième position contre le Chili. Ils ont gagné 2-1 et Messi a reçu son deuxième carton rouge de toute sa carrière. Et quand tu revois les reprises, j'invite les gens à aller voir ça, là, ça mérite pas du tout un carton jaune. Peut-être un jaune, peut-être pas un rouge, en tout cas, peut-être un rouge, mais peut-être un jaune, mais sûrement pas un rouge. Donc ça a été décevant un peu. Puis dans l'autre côté, mais t'avais le Pérou qui est allé surprendre le Chili, qui était le double tenant du titre. Donc, ça a été une grande surprise. Le Pérou qui remporte 3-0 contre le Chili, ça a été leur gros match du tournoi. On va se rappeler que dans les quarts de finale, trois des quatre quarts de finale d'année se sont terminés 0-0. Pourtant, il y avait du beau jeu, là. Mais la Copa América a quelque chose de spécial en cas d'égalité. On s'en va pas en supplémentaire. On passe au tir au but tout de suite. Ah, c'est une bonne affaire, ça. Oui, on passe au tir au but tout de suite. Et il y a eu 3 matchs sur 4 qui se sont terminés. Moi, une des équipes que j'ai trouvé qui dommage qu'ils partent, là, l'Uruguay avec Suarez et Cavani. Ils ont joué au tir au but. Ils ont perdu 5-4 au tir au but. Le gros tireur, Luis Suarez, premier tir de l'Uruguay, manque son penalty. Alors, il manque son tir de réparation. Et c'est par la bande, c'est Pérou qui a réussi à se faufiler en finale. Mais le Brésil revient. Une belle victoire brésilienne en finale hier de 3-1. Il faut rappeler que le Pérou a quand même revenu dans le match. C'était 1-0 Brésil. Et quand tu regardes les 11 partants, l'équipe du Brésil, ils ont vraiment une belle sélection, là. Ça va être C'est intéressant de voir jeune, ça c'est dans quoi? 2 ans. Des jeunes mixés avec un des gros noms qui a joué, Dani Alves, qui jouait avec le Paris Saint-Germain, qui avant jouait avec Barcelone. Barcelone a de la difficulté depuis quelques années à se rendre en finale de Ligue des Champions parce qu'un gars comme Dani Alves, on a laissé partir ce joueur-là. Il est au Paris Saint-Germain et là, il était capitaine un peu par intérim à la place de Neymar. Tu vois, ils ont gagné sans Neymar en plus. Ça se demandait si l'équipe n'est pas plus forte sans Neymar. Mais C'est tu comme penses quoi que Messi quand Neymar en sortir. passant, hein? Tu parles du Brésil, tu parles du PSG. Neymar est parti du PSG? Il n'est pas encore parti. Et là, Dani, c'est la période Le de des mercato, clubs. on Ah oui, l'appelle. c'est Mercato, là. Puis là, les médias, là, Dani, c'est l'enfer. OK. Là, ça part des rumeurs, là, d'un côté puis de l'autre. Là, il y avait Mbappé puis Neymar qui partaient. Le Paris Saint-Germain va sûrement se garder un gros canon. Mais d'après moi, Mbappé partira pas tout de suite. On sait déjà la destination future de Mbappé. Ça risque très fort d'aller au Real Madrid. C'est un de ses rêves. Au niveau de Neymar, ce qui s'en vient, semblerait qu'il s'en viendrait jouer avec. Il retournerait à Barcelone avec le FC Barcelone. Il sent. Okay. C'est dans l'air. Alors là, il y a plein de tractations, plein de possibilités. Mais Neymar, là, depuis la dernière année, là, blessure sur blessure, c'est pas évident. Et l'autre gros nom de Di Marcato que tu parles, là, à surveiller aussi, c'est Antoine Griezmann, le Français, ouais, Griezmann, qui était avec Atlético. Il parle d'aller au FC Barcelone. Tu vois-tu, Neymar et Griezmann, d'après moi, il y en a un sur deux qui va y aller. Là. Mais en tout cas, on rappelle la belle victoire des Brésiliens qui reviennent. Je pense que c'est le 10e titre à la Copa América. Si les gens veulent voir, il y a un petit résumé que j'ai mis sur la page de Facebook Espace Soccer. Ouais. On est capable de voir, là, depuis le début de la Copa América, en 1916 ou 1917, je crois, on voit tout le cheminement des gagnants jusqu'à la victoire des Brésiliens hier, leur 10e titre. C'est l'Argentine et l'Uruguay, je pense. L'Uruguay qui a 14 ou 15 titres, il y en a un de plus que l'Argentine. Ça, on dit que c'est la plus vieille coupe là, dans le monde. C'est plus vieux que la Coupe du monde, la Copa América. Parle-moi du côté maintenant de la Gold Cup. C'est le Mexique qui l'a emporté aux États-Unis, mais apparemment que ça avait l'air d'un match plus au Mexique. Que la foule était beaucoup plus mexicaine que. Puis c'était à Chicago, là. C'était pas au Texas ou pas en Arizona, près des lignes du Nouveau-Mexique. Là. Incroyable. 67 000 personnes, j'ai vu passer la 100. 66, 67 000. Et effectivement, Danny, il y avait du Mexicanos dans le stade hier. C'était assez incroyable. Beaucoup de Mexicains, beaucoup de drapeaux du Mexique, des maillots du Mexique. C'est le fun parce qu'on a quand même vu, selon moi, les deux meilleures sélections se retrouver en finale. Les Américains avaient une très belle équipe aussi. José Altidore qui joue avec Toronto, hein, les deux gros canons de Toronto, Bradley et Altidore, sont là avec Toronto. Et Bradley est vraiment le chef de garde en défensif, en milieu de terrain, enfin défensif là, ou offensif. On l'utilise des fois à la sauce défensive, des fois à la sauce offensive. C'est vraiment. Et hier, Altidore s'est échappé. Il a manqué le but de très près. Ça aurait pu donner l'avance aux Américains. Ce que j'ai pas compris, je trouve qu'on a sorti Altidore un petit peu tôt. Je pense 65e minute. C'était encore 0-0. Tout allait bien. Oui, le Mexique dominait peut-être un petit peu dans la possession de balle, mais pas tant que ça. Et puis soudainement, ben, une belle phase de jeu, deux, trois belles passes, une belle action et un beau tir là, qui a touché la barre transversale et est rentré dans le but. Et le Mexique ça a été suffisant pour remporter une victoire d'1-0 là, contre les Américains. C'est les Mexicains qui dominent aussi dans le Gold Cup au niveau du nombre de titres. Je pense qu'ils sont à 8 ou 9. Donc ça a été une belle Gold Cup. Faut se ramener à l'équipe canadienne, par contre, la défaite contre Haïti en quart de finale. Écoute, puis c'était 2-0 pendant ça, là. C'était 2-0, on dominait le match. On l'a complètement échappé. C'est passé. Une erreur du gardien, mauvaise sortie. Et là, ça a permis à l'équipe d'Haïti de reprendre du haut du pavé. Et on a remis ça 2-2. Et en fin de match, on a marqué le troisième but. Donc, une belle victoire d'Haïti. Puis on va se rappeler, Danny, Haïti, après ça, a perdu 1-0 en demi-finale. Hein. 1-0 en demi-finale, un match très, très, très serré. Là. Ce qui fait que le Canada, quand tu regardes un peu, il y a encore une déception, aucun Québécois. Ouais. Un Québécois, Samuel Piet, il n'a même pas joué contre Haïti. Il a joué les autres matchs, mais ce match-là, il n'est même pas dans le 11 partant. Ouais. Crépeau, ben, t'es deuxième gardien. On a Jonathan Brouillard qui a fait quelques apparitions, mais il est assez jeune. Alors, quand tu regardes ça, c'est un peu décevant de voir, tant dans la sélection féminine que masculine, le nombre de Québécois qui sont parmi nos équipes nationales. C'est incroyable, alors que le soccer, la Fédération de soccer Québec a au-dessus de 100 000 joueurs qui travaillent fort dans la formation et le développement. On n'est pas capable de placer plus de joueurs que ça dans les sélections nationales. C'est incroyable. Moi, j'ai même dit, c'est assez. Allons-y en sélection québécoise. Faites comme les Écossais. On reconnaît vraiment tes origines. Hein? Faisons comme les Écossais et les pays du Commonwealth. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais regarde, on sera pas pire que les... Mais en tout cas, la défaite du Canada contre Haïti, j'aimerais rappeler, Danny, sur ce match-là, Alphonso Davies, qui, je ne sais pas, on l'a fait jouer arrière latéral à gauche, OK? Alors qu'on sait que c'est un attaquant, un milieu peut-être à l'aile, demi à l'aile, qui peut attaquer. Alors, je ne sais pas si le Bayern est en train de le former à cette position-là, mais j'étais très, très, très surpris de le voir là, lors du match contre Haïti, à cette position-là. Là. OK. L'impact, défaite dans la controverse. Ben, dans la controverse, penalty douteux. Écoute, c'est pas les premières fois qu'on se plaint au niveau de l'impact par rapport à l'arbitrage. Là, écoute, un call douteux, pourtant, il y a de la reprise vidéo. Je sais pas quoi dire. Décevant. Ben on va surprendre. L'impact n'aura pas le choix de surprendre. T'sais, une défaite de 3-2. Ce que je trouvais intéressant dans ce match-là, c'est de voir Jackson Hamel utilisé dans l'11 partant et marqué à la première ou deuxième minute. Mais ça, tu vois, hein, quand dans un match de soccer ou de foot, Danny, puis que une équipe marque très rapidement dans le match. À la fin du match, c'est souvent cette équipe-là qui perd le match, on dirait. Ça fait souvent ça. Je serais curieux de voir les statistiques à ce niveau-là. Mais en tout cas, défaite de 3-2, l'impact donc reste quand même en bonne position dans le classement. On voit que la MLS est très serrée, ça se bat d'une semaine à l'autre. T'attends-tu le mercato qui s'ouvre? On s'attend pas à de grandes nouvelles, hein, du côté de. Bah, je pense que l'impact a l'air à vouloir travailler dans ce sens-là, à continuer. Il n'y a pas grand rumeur, en tout cas. Il n'y a pas grand non, rumeur. Non, Piatti, est-ce que Piatti non. va rester avec. Ça ressemble de plus en plus. Mais il n'y a pas grand rumeur. Puis quand il y a des rumeurs, il nous sort un nom qu'on ne connaît pas beaucoup. On va voir. Il faut aller sur le web pour voir c'est qui ce nom-là. Il se fait un Bologne, hein? Les médias montréalais, on semble en faire quasiment un des meilleurs joueurs. On s'aperçoit qu'ils jouent. Peut-être même pas en équipe nationale ou quoi que ce soit. Donc, on sait que le monde de la planète foot est très grand, là, avec le nombre de joueurs qu'il y a en Amérique du Sud, puis en Europe, puis en Afrique, puis partout, si tu veux. Là. Mais non, il n'y a pas grand-chose. Il semble pas avoir grande annonce. Puis j'ai l'impression que la saison va se faire comme ça, en espérant qu'on garde le momentum et on reste dans le milieu, dans le classement comme ça, puis qu'on n'échappe pas quelques matchs de suite pour pas faire une trop grosse baisse au stade Saputo. Parce que c'est ça qu'il faut vérifier aussi. Hein. Oui, effectivement. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer du Lac Saint-Jean, je te remercie beaucoup. On s'en reparle très, très bientôt. On va même s'en reparler cette semaine pour le soccer régional. Pas de problème. Salut, Danny. Benoît Lavoie d'Espace Soccer.com.